dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Dido dong dong. Sigui música cantada en francès, perquè de fet no diu res, però és la que hem triat per començar una nova edició del nostre espai. Hola, la música, el programa de música en francès, música d'ordinador. Philippe Catherine ens aportava aquesta peça que avui hem triat per començar una nova edició de Hola, la. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Som-hi, doncs, si voleu, al nostre costat per escoltar bones cançons. I avui ens afixem amb la nostra pàgina de Facebook, amb els comentaris que ens deixen els oients demanant-nos cançons. Això és el que farem, perquè Tiagrat serà el primer dels convidats amb Le Jacques. Et par un bon matin Thierry Hazard va néixer el 7 de juny de 1962 com a Thierry Gestor, cantant francès que ens acompanyava i que als anys 80 va esdevenir una figura icònica de la música en francès. Avui l'escoltàvem Leger, aquesta cançó que ens acostava des de la seva discografia. François Hardy, aquesta cançó no és la primera vegada que l'escoltem en el nostre programa, ja ho havíem fet en diverses ocasions i avui hi tornem a peticions que ens arriben a través dels nostres canals mediàtics. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Bona música, bons ritmes, bones peticions que ens encanta que ens arribin a través dels nostres oients de Sienes, a través del nostre canal de Facebook, comentaris a la plana web de Hola la Música, o també a través del nostre canal de Telegram, que podeu buscar i allà ens trobareu també cada setmana. Cançons de George Moustaki a continuació. Dans la maison trop grande et trop vide, dans la rue devenue déserte, dans Paris qui n'est plus qu'un boulevard de cendres, dans le soleil glacé, dans les nuages bas, et dans l'eau immobile d'un océan inerte, dans le regard éteint des vivants inconnus, je crie ma solitude en lettres de noblesse, je crie mon insomnie dans la nuit indifférente, et je maquille les poupées qui en témoignent. La nostalgie étouffe un bâillement d'ennui, mais la douleur est là, sourde et muette, comme il se doit. La peur désemparée par toutes mes faiblesses, dans le silence épais comme un point d'orgue, le langage est approximatif. És ella, és generosa, és la declaració que ens aporta la inspiració. Un àlbum editat el 1973 en plena crisi i que ens va portar dins la cançó francesa les paraules, la música, els poemes de Georges Moustaki, qui ens acompanya a través de la música amb el programa d'avui. L'intèrpret nascut el 3 de maig de 1934 a Alexandria. Va néixer com a Josep Egipte, recordem, que va morir el 2013 a Nice. L'escoltem avui també amb el nostre programa. Ce soir, mon amour, je ne t'aime plus. Tu es plus loin que la distance qui nous sépare, et d'autant plus absente que tu n'es nulle part, plus étrangère que la première venue. Ce soir, mon amour, je ne te cherche plus parmi mes souvenirs au fond de ma mémoire. Je ne t'attends plus sur le quai d'aucune gare. Je me souviens à peine t'y avoir attendu. Je sais que nous buvions du thé après l'amour, que nos nuits commençaient quand se levait le jour. Comme un torrent d'ébène, tes cheveux sur mon cou, et ton regard meurtri quand tu fais les yeux doux. Ce soir, mon amour, je ne te trompe plus avec cette fille qui dort à mes côtés. J'étais seul, je lui ai demandé de rester. Je suis seul très souvent et je m'y habitue. Ce soir, mon amour, tu ne me manques plus, tu ne me manques pas, il me manque d'aimer, de ne plus être inutile, inanimé, de n'avoir rien à perdre et d'avoir tout perdu. Je connais ta folie, je connais ta pudeur, je sais qu'on se ressemble comme frère et soeur. Je connais ton odeur, je connais ton parfum, je te connais par cœur, mais je ne sais plus rien de toi, mon amour, que je n'aime plus, sans arriver à me sentir enfin libre, pareil à un danseur qui perdrait l'équilibre, comme un prince en disgrâce, comme un ange déchu. L'armée ne doit pas s'occuper de politique. Le clergé ne doit pas s'occuper de politique. L'université ne doit pas s'occuper de politique. La fonction publique ne doit pas s'occuper de politique. Les travailleurs immigrés, les résidents étrangers ne doivent pas s'occuper. Pas, surtout pas s'occuper de politique. Pas, surtout pas s'occuper de politique. Les femmes ne doivent pas s'occuper de politique. Les enfants des lycées ne doivent pas s'occuper de politique. Les artistes de variété ne doivent pas s'occuper de politique. Surtout pas s'occuper de politique. Ni les marchands de canons, ni les fabricants d'avions, ceux qui n'ont pas d'opinion. Pas s'occuper de politique. s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. Pas surtout pas s'occuper de politique. És la música de George Moustaki amb aquest disc que us en repassàvem des del 1973, aquesta declaració que se'ns acostava i que hem escoltat en tres peces, més una d'introducció de prou curta. Tres? Sí, n'hem escoltat dues, però és que encara en falta una. Je voudrais rendre grâce à celui qui peut-être a été mon premier et mon unique maître. Un philosophe mort, voici quelques décades. Mort de son propre choix, ni trop vieux, ni malade. Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait avant nous le bonheur et la fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, sans avoir à la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier les chines, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait pour les générations futures de ne souffrir jamais d'aucune courbature. Sans vouloir enseigner, sa parole était claire. En cela peut-être elle est révolutionnaire. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne nous arrivait ni d'Orient ni de Grèce. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne demandait que le droit à la paresse. Què tal? Què us ha semblat? Jo us mostro aquí amb aquestes cançons. Escoltem també bona música i escoltem ritmes que ens arriben ara amb aquesta cançó que ve a continuació des del 88, nascut a qualsevol part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Senzills que es van publicar d'aquest àlbum que va sortir a la venda el 17 d'octubre de 1988 a través de Polydor, era un dels àlbums que va publicar Maxime de Forestier amb el nom real de Bruno, que havia nascut el 10 de febrer del 1949 a París, autor, compositor, intèrpret de música francesa. Aquest, com hem dit, crec recordar que era el seu desè àlbum d'estudi, Né quelque part. Aquesta era una de les, dels senzills que s'havien publicat. Escoltarem a continuació els altres dos singles que d'aquest àlbum varen sortir al mercat discogràfic. La princesse tu vas guetter. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux en me donne-toi. Ti robe à fleurs moi donne-toi. Ça pour la paille tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas. Tout mos mos salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout monce, mon salade en bas là-bas. Moi, Tina, mon bateau, Marie-Thérèse, Tina, l'âme, son numéro un. Tina, mon la vie. Pendant qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu veux en me donne-toi. Tu robes à fleurs, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mon salade. balade en bas là-bas. En bas là-bas. En bas là-bas. En bas là-bas. Tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu besoin, moi donne-toi. Tes robes à fleurs, moi donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout cata cata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas. Tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse mousse salade. Je suis seul à savoir si ta peau est blanche sous le fil de corail noir qui danse à tes hanches. J'ai goûté des fruits verts, trouvé de l'eau sur ton île. Sans toi, l'exil, oasis de mer. On a eu des nuits douces, on a eu des depuis qu'on a dit pousse, on dirait qu'il fait lourd. On a eu des nuits longues et la pluie sans l'hiver. Une île m'a dit Solon entre l'Inde et l'Angleterre. Et tous les bateaux blancs couchés sur tes dunes peuvent y rester longtemps, peuvent hurler à la lune. J'ai peuplé mon désert de compagnie facile. Si loin d'une île, un amour se perd. On a eu des nuits douces, on a eu des beaux jours. Depuis qu'on a dit on dirait qu'il fait lourd. On a eu des nuits longues et la pluie sans l'hiver. Une île m'a dit Solon, c'est si loin d'Angleterre. Le vaisseau qu'un corsaire avait laissé au fond, tout ce qu'on a pu y faire sous le nez des poissons. Et ce tapis de terre le soir se promène, Robinson volontaire et sa fosse indigène. On a eu des nuits douces, on a eu des beaux jours. Depuis qu'on a dit pousse, je les attends toujours. On a eu des nuits longues et la pluie sans l'hiver. Une île m'a dit sauve. C'est pas l'Angleterre. On a eu des nuits douces, on a eu des beaux jours. Depuis qu'on a dit pousse, on dirait qu'il fait lourd. On a eu des nuits longues et la nuit. sans l'hiver. Une île Madison, et c'est pas l'Angleterre. On a eu des nuits doux. Doncs hem escoltat Maxime Le Forestier amb aquestes tres peces d'aquest disc que us comentàvem. I ara el que toca és escoltar una altra bona cançó. De fet, ho intentarem amb un parell, no? La Vanessa Paradis, per exemple, i una noia que té un nom molt francès com Olivia Ruiz. Escoltem la seva música a continuació. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Bienvenue, c'est Joe. Cançó que va fer internacionalment coneguda el 1987, en només 14 anys, a la Vanessa Paradis, que l'escoltàvem amb aquesta cançó, Joe Le Taxi, unes peces realment magnífica, la que escoltàvem amb una veu tan dolça. Doncs bé, Olivia Ruiz és el nom, de fet, en escenari, d'Olivia Blanc, aquesta autora, compositora, intèrpret, cantant, actriu, realitzadora, francesa nascuda a la vila occitana de Carcassona el 1 de gener del 1980. La Fem Xocolat va ser l'àlbum que va publicar el 2005.

écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Fantàstica la seva música de La Femme Chocolate. El 2005 es va editar aquest àlbum. Eren els dos senzills que varen sortir. Aquest disc també va sortir en castellà, editat, com a La Mujer Chocolate. I jo crec recordar que va passar sense gaire pena ni glòria aquí, amb aquest país, el nostre i el del costat. Non Dit era el tercer senzill que va sortir d'aquest disc. C'est déjà ça. Chacun son rôle, pas plus que ça. Non, dis non, mais dis donc. Dis-moi le don, ce nom dit là. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc. Non, dis non, mais dis donc. On s'est menti autant de fois que l'on se disait tout cela. Tous les matins et les midis et toute la semaine aussi. C'est ridicule mais c'est comme ça. Si l'on recule on voit tout ça. On voit s'éteindre dans le ciel les étoiles et les arcs-en-ciel. On verra bien, tu me disais. Ce que cela fera après. Dans le lit de tous les non-dits. Sommeille tous nos paradis. Non, dis non, mais non, mais dis donc. Dis-moi le don, ce lundi-là. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc. Non, dis non, mais non, mais dis donc. Se dire mal ou ça fait là. Tu sais les enfants c'est comme ça. Dira pas, dira, dira pas. Mais quand dira ça fera là. Mal à mon estomac. N'attends donc pas d'être plus là. Pour me raconter tout cela. N'attendons pas d'être plus ici. Pour me raconter tout ceci. Ceci, cela s'envolera et vite s'oubliera. Non, dis non, mais dis donc. Non, dis non, mais dis donc. Dis-moi le don, ce nom dit là. Dis-moi le don. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc. Dis-le-moi donc. Non, dis non, mais dis donc. Non, mais dis donc.

se reverra. Et je me demande si tu te souviendras, si nous deviendrons simplement des amis et toutes ces choses. Mais tu as dû oublier qu'on s'est aimé. De Claude Françon ha arribat fins al final del nostre programa. Hem arribat al final d'aquest Hola la Música per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hem estrenat micròfon avui, espero que també s'hagi notat amb els nostres oients, dieu-nos si cas. Els anireu trobant tots els programes del nostre espai en aquesta emissora, òbviament cada setmana, però a més a les xarxes socials, busqueu a la nostra web, al nostre blog, busqueu-los també a les xarxes socials, ens trobeu a Facebook, amb aquest nom, Hola la Música, de Rafael Corbí. I, com no, doncs, si us voleu subscriure, ens trobareu al canal de Telegram, on us enviarem cada setmana els programes. Michel Fauguin, amb Chanté, aquesta cançó, Chant, del 1972. Fins la propera, i gràcies un cop més per haver-me acompanyat i deixar-me portar-vos aquestes cançons, ja que no puc portar-vos un bon francès, almenys que la música ho sigui. A reveure. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille pour claquer ton fils. Chante, oui, chante, et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête pour changer les têtes.